Nous avons là l'assemblage de plusieurs objets, dont un tamis fait maison pour la fabrication du papier, une pierre, ainsi que du papier séché réalisé à partir d'orties. Nous avons donc là une sorte de petit dispositif artistique.